la classe, ça c'est la victoire, joue les aveugles. La chance faut la provoquer, la victoire faut la mériter. J'ai pas hérité du son, tout ce que j'ai je l'ai mérité. Avec tes mérités, en avance en taf dur. J'espère voir la victoire avant que tout ne parte en sept sur. Et ouais c'est sûr, on mérite tous un peu mieux dans nos vies. Mais tu changeras que dalle si à la base t'en as pas l'envie. Et on vit des vides clefs, mais on tient le coup, on se relève de tout. Il faut savoir encaisser les coups. Alors écoute-moi bien fils, faut pas que tu partes en couille. C'est l'appel de la victoire, faut qu'on serre les coudes. De France en Italie, c'est des BG et Jeep. Tous ces call to victory, donc on se place et on nique tout. Écoutez bien, c'est l'appel de la victoire. De France en Italie, on entend l'appel de la victoire. Qui est BG, c'est l'appel de la victoire. L'appel de la victoire, l'appel de la victoire. Écoutez bien, c'est l'appel de la victoire. De France en Italie, on entend l'appel de la victoire. Qui est BG, c'est l'appel de la victoire. L'appel de la victoire, l'appel de la victoire. Qui me connaissent savent très bien d'où je viens, en qui je crois, ce que je suis, avec qui j'ai des liens. Que j'aime les miens, respecte les tiens. Je me bats pour avancer car sans le faire on a rien. Non, je suis pas négatif dans la vie, faut rester simple et actif. Arrête de se croire mieux, pas faire des jugements hâtifs. On a tous en nous un cœur qui nous permet d'être créatifs. Alors ne restons pas défoncés, ça nous rend maladifs, nous rend agressifs. Mais tous nous on est sont paisibles dans les bras de nos mères. Tous nous étions plausibles, faire les choses bien frère, je te jure que c'est possible. Faut y croire fort et la victoire nous la rendrons visible. Ne reste pas là dans la simplicité, vise le plus haut tu peux, réalise toutes tes idées. Apprends de tes méfaits, donne d'amour, sois aimé. Et tu verras la victoire, je le puis, je te le promets. Écoutez bien, c'est l'appel de la victoire. En Italie, on entend l'appel de la victoire. Qui est BG, c'est l'appel de la victoire. L'appel de la victoire, l'appel de la victoire. Écoutez bien, c'est l'appel de la victoire. En Italie, on entend l'appel de la victoire. Qui est BG, c'est l'appel de la victoire. L'appel de la victoire, l'appel de la victoire. Di un ragazzo come tanti, a differenza di quei tanti, cresciuto tra drammi. Ma mi racconti la tua storiella di una ragazzina col nome Isabella. Lei è sempre triste, non è mai felice. Vedi lei, vedi il viso di un bambino infelice. Cerca di vittoria che non ha mai provato, a causa di un bel sogno che ha mai realizzato. Io non ho fiato, parlo di un fiato. Almeno non mi stoppi, mi lasci ancora fiato. Con l'asfalto, col mio pensiero che vola terra terra come l'atterraggio di un aereo. Io rincorro un sogno come l'osso il cane. Disavventure e avventure solo come un cane. Nonostante questo mi sento vittorioso. E tu non lo pensassi ma sei noioso.